Chapitre 16e. Ce matin-là, Pérez arriva au central à 7h30. Elle convoqua dans son bureau tous ceux qui étaient déjà là et fit passer l'ordre au planton de lui envoyer les équipiers dès qu'il mettrait un pied dans le hall. Elle téléphona à l'évêché à Marseille et demanda qu'on lui envoie des dossiers par mail le plus rapidement possible. Elle avait déjà battu une belle besogne quand tout le monde arriva enfin. « Bon, écoutez-moi, » fit-elle. On est passé à côté d'un truc gros comme une maison. Je savais bien qu'il y avait un trou dans notre enquête. Il n'y avait que Jadjiga qui l'avait senti, mais la pauvre n'a pas approfondi. Je ne lui en ai pas laissé le temps. L'équipe se taisait toujours, attendant poliment que le capitaine veuille bien les mettre au parfum. Mais Fabreg devança tout le monde. Je crois que nous n'avons pas mis suffisamment de pression sur Prozzati, capitaine. C'est le seul qui peut expliquer le vol de l'arme de Canepparo. Il n'y a eu aucune effraction. Si on écarte l'hypothèse que Canepparo ait donné lui-même l'arme à l'assassin, le Prozzati apparaît méchamment suspect. Bien vu, Fabreg. Moussaoui avait commencé à s'y intéresser, mais c'est toute l'équipe, moi la première, qui aurait dû s'y coller. Prozzati est le nœud du problème. Mais nous allons rattraper le temps perdu. J'ai envoyé une voiture pour nous ramener sur Rital. Une équipe va faire une perquise en règle chez lui. J'ai prévenu le patron. J'espère que le gars ne s'est pas évanoui dans la nature. J'ai demandé à Marseille le dossier complet du sieur qui est loin d'être un saint. J'attends les documents d'une minute à l'autre. On va lui signifier sa garde à vue et il faudra bien qu'il crache quelque chose. Effectivement, un quart d'heure plus tard, Prozzati fit son entrée sous la conduite de deux gardiens. Son visage baissé et fermé disait assez qu'on allait avoir beaucoup de mal à en sortir quelque chose. Pérez comptait s'appuyer sur la lourdeur de son passé de malfrat pour obtenir de lui la vérité en échange d'une certaine clémence. Elle espérait également clarifier ses liens avec Canepparo. Y avait-il entre eux un contentieux ou une vieille complicité? Avait-il partie liée dans ces meurtres? Après tout, ils étaient tous les deux italiens. Il fallait absolument tirer tout cela au clair. Si Canepparo était innocent, Prozzati était-il le complice de l'assassin? Il était difficile qu'il en fût autrement. Volpi arriva juste au moment où Prozzati pénétrait dans les locaux. « Ah, Pérez, voilà une bonne initiative. Ce type n'est pas clair du tout. Mais apparemment, ce n'est pas un parent des deux autres. Donc, soit il a une dette envers eux, ou alors c'est l'inverse. Il les tient d'une façon ou d'une autre. » L'équipe fut bien briefée sur tous les points importants et c'est Synthèse et Fabreg qui s'y collèrent les premiers. En attendant les documents de Marseille, on commença classiquement par l'identité du prévenu, dans un sens puis dans l'autre, relevant la moindre contradiction pour mener à bien l'œuvre de déstabilisation, la routine, quoi. Vers le milieu de la matinée, les emails arrivèrent sur la messagerie de Pérez. Elle imprima tout ce qu'elle put, puis réunit toute l'équipe, patron compris, mis à part ceux qui étaient en train de cuisiner Prozzati. Eh bien, il est chargé, le client. Recel de marchandises tombées du camion, vol de carburant dans le port, contrebande de cigarettes, carambouille, trafic de shit, en tout 10 ans de tôle. Mais attendez le plus intéressant. Mêlé en Italie à une affaire de trafic de cocaïne dans laquelle il y a eu 3 morts. Prozzati s'en est tiré avec 2 enfermes. Pérez parcourut ce document avec avidité et en rendit compte à l'équipe. Voilà. Une vedette à bord de laquelle étaient Prozzati et un comparse transportaient une cargaison de coke. Elle a été arraisonnée par une bande rivale qui a piqué la cargaison et fait exploser le bateau. Prozzati s'en est bizarrement tiré, ce qui a fait supposer qu'il était de mèche avec les racketteurs et qu'il avait trahi son associé. Les preuves du délit ayant coulé au fond de l'eau, Prozzati n'a pris que 2 ans. Mais la police italienne pense que notre client a des casseroles au cul du côté du milieu, si vous voyez ce que je veux dire. C'est sûr, dit Petricoul, les mafieux sont plus tenaces que la police. Il y a combien de temps que cette histoire est arrivée? Demanda Volpi. 10 années. Bon. Il faut relever Synthèse et Fabreg auprès de Prozzati. Recommencez depuis le début. Et dites-lui bien que ce coup-ci, c'est le coup de trop. Et que s'il ne veut pas comprendre, il mourra en tôle. Lorsque les 2 lieutenants relevés regagnèrent le bureau, on comprit à leur mine peu enthousiaste que l'Italien était coriace. « C'est pas compliqué, dit Synthèse, il ne dit rien. Mais alors rien ne chez rien. Si je me laissais aller, je lui aurais écrasé les nougats pour qu'il réagisse un peu. Ah, grand shérif Fabreg, où est le bon vieux temps du bottin? L'avocat est arrivé, demanda Volpi. Ouais, il conseille à son client de ne pas répondre. En plus, on est mal barré, je vous le dis, s'exclama Saint-Esse. Bon, on continue de toute façon. L'avocat va bien finir par se barrer pour les grailler, dit Volpi. Puis se ravisant, il demanda. Au fait, cet avocat, d'où sort-il? C'est celui de Canéparo, précisa Saint-Esse. Mauvaise limonade, murmura Volpi. Il était sûr que l'avocat de Canéparo n'était pas un petit débutant dans un costard étriqué, mais un gros homme, habitué à impressionner les jurés et à financer en lisière du code pénal. Quoi qu'il en soit, quand l'avocat vit que Pronzati appliqua la lettre l'omerta, il décida de vaquer à des occupations plus importantes. C'est le moment que choisit Volpi pour changer de stratégie avec le prévenu. Écoute-moi, Pronzati. Ton patron Canéparo va être inculpé du meurtre d'Anzelotti. Normal. Il a tout bêtement utilisé son arme pour le descendre. Tout le reste, c'est un conte à dormir debout. Le juge va les scagasser et le jury lui mettra le maximum. C'est réglé comme du papier à musique. Volpi fit une légère pause pour laisser à Pronzati le temps de digérer l'info. Mais toi, continua-t-il, tu vas plonger pour complicité de meurtre. Tu as couvert ton patron en lui procurant un faux alibi. Tu n'as rien fait pour l'en empêcher parce que tu as été acheté dans cette affaire. Combien ? Bien évidemment, Pronzati ne savait rien des traces ADN relevées sur le fusil et sur l'armoire. Ce que Volpi lui racontait était donc plausible. Combien, Pronzati ? S'exclama Volpi à 10 centimètres de son oreille en tapant du plat de la main sur le bureau. Depuis 4 heures, Pronzati n'avait rien avalé, rien fumé, et son ventre commença à s'agiter de spasmes alarmants. Il réagit enfin. « Mais qu'est-ce que vous racontez comme connerie? C'est pas lui qui l'a tué, vous le savez bien. » « Et c'est qui? Tu le sais, toi? Alors dis-le, et qu'on en finisse. » Mutisme de Pronzati, Volpi ne s'attendait bien sûr pas à ce qu'il parle si vite. « Il est évident que tu le sais. » « Puisque c'est toi. Canéparo t'a payé pour l'assassinat. Vous avez brouillé les pistes tous les deux pour nous enfumer. Et hop, avalez ça, monsieur dame. C'est lui, c'est pas moi, et vice-versa. Vous nous prenez pour des billes ou quoi? Mais nous n'allons pas faire de détails, et vous allez morfler tous les deux. » Le commissaire s'assit face à Pronzati et Canavez plaça son visage tout près du prévenu, comme pour mieux guetter ses réactions. « Et puis tu as oublié une chose. C'est que la police a de la mémoire. » Toutes les polices ont de la mémoire, et surtout celle d'Italie. Ce n'est pas la première fois que tu trempes dans une affaire de meurtre. Ça va allonger l'ardoise, ce coup-ci. Il y en a même certains qui te recherchent, et qui n'auront pas besoin de procès pour te faire la peau. Tu es déjà jugé et condamné à mort. Des indiques nous ont renseignés à Marseille. Tu vois de qui je veux parler. Gros mensonge. Mais dans un interrogatoire, c'est le prévenu qui doit dire la vérité, pas le flic. Pour perquisitionner le studio de Pronzati, l'équipe avait été obligée d'en récupérer les clés au bureau de Canéparo. Vers 7 heures du soir, on fit l'inventaire de ce qu'on avait trouvé. Une enveloppe en papier craft dans laquelle se trouvait un Beretta 9 mm. Les empreintes étaient celles de Canéparo, de Pronzati et d'une autre personne qu'on ne pouvait identifier pour l'instant. Le pistolet avait servi car il restait encore des traces de poudre. Une seule cartouche manquait dans le chargeur. Bien évidemment, on convoqua Dardar Canéparo, espérant enfin trouver une piste. À quoi avait servi cette arme? Pourquoi l'avoir enveloppée? C'était une dissimulation bien éphémère. L'arme était-elle destinée à quelqu'un? D'autre part, Jejiga exhiba un sachet de plastique dans lequel se trouvaient des petits bouts de papier. En les regardant de plus près, Pérez s'aperçut qu'il s'agissait de tickets de caisse. « Regardez celui-ci. » dit Jejiga en le montrant à Volpi et au capitaine. « Et alors, dit Pérez, tu veux qu'on s'intéresse au régime alimentaire de Pronzati? Regarde-le mieux. Prenez en compte toutes les infos qui figurent sur le ticket. » Volpi et Pérez remarquèrent enfin la date et l'heure à laquelle avait été émis le ticket, sans oublier le numéro de la caisse. C'était le jour et à quelques minutes près, l'heure supposée de la mort d'Anzelotti. De plus, le règlement avait été effectué par carte bancaire. Pronzati range soigneusement ses tickets et tient compte rigoureux de ses paiements. Au moment où Anzi se faisait assassiner, il était bien géant, en train de faire ses courses. « D'accord, » fit Volpi. « Bravo, lieutenant Moussaoui. Je suis content. La forme revient. » « Ne disons rien pour l'instant à Pronzati. Voyons ce que va nous raconter son patron au sujet de l'arme. »